Nos amours éclatent en plein vol, il n'en reste que des débris. On se rencontre au soleil, mais on se quitte sous la pluie. On tombe amoureux en silence, on se sépare dans le bruit. Nos promesses boivent la tasse, asphyxie au fond d'un puits. Notre histoire part en lambeaux, la haine reprend le flambeau. Dans le tourment et le chaos, on se dit au revoir devant les tribunaux. On s'était promis d'affronter la vie comme un seul être. Des années de vie commune pour finir par ne pas se reconnaître. Le temps dévoile nos défauts. Plein de nos romances, souvent nos désirs s'essoufflent. Nos habitudes commencent, arrive l'hiver des épreuves. Gèle les beaux discours, nos rancunes nous aveuglent. Dans un dialogue de soi, je t'aime à la pelle sur les rivages. Peu à peu nos différences deviennent des clivages. On n'a plus rien d'un couple, on en a que l'image. Y'a cet enfant entre nous de prise en otage. Mon avenir s'écrit dans le sable. Je suis la fin du lit, la dernière page. Des morceaux de nous, des morceaux de nous, des morceaux de nous. J'ai grandi sans mon père, ça m'a laissé un vide affectif. Ça a fait de moi un enfant à la fois solide et chétif. J'ai mis du temps à guérir, j'ai mis du temps à aimer. J'ai mis du temps à m'ouvrir, par crainte d'être abandonné. Par crainte d'abandonner, reproduire les schémas. Effrayé par l'idée que mes enfants héritent de mes traumas. Il a fallu que je tempère pour soigner mes déchirures. Annihiler cette colère qui parfois nous défigure. Pense à ces hommes qui voient grandir leurs enfants loin d'eux, à qui le tribunal ordonne d'aimer un week-end sur deux, eux qui doivent rester proches en étant distants. Pourtant on n'est jamais parents à mi-temps. Et je t'aime à la peine sur les rivages. Peu à peu nos différences deviennent des clivages. On n'a plus rien d'un couple, on en a que l'image. Y'a cet enfant entre nous de prise en otage. Et dans le sable, je suis la fin du lit, la dernière page. Des morceaux de nous, des morceaux de nous, des morceaux de nous. Des morceaux de nous, des morceaux de nous.